Il y a 3 ans à peu près, ou 3 ans et demi, ma sœur, parce que j'ai une religieuse qui est ma sœur, qui est aussi une sœur-sœur, non? Et puis elle travaille dans un centre de personnes âgées et elle est aide-soignante. Ça veut rien dire, je sais, au Québec, là, ici, on dit préposé aux bénéficiaires. Ah, mon Dieu, celles qui passent les pilules, c'est des passeuses de pilules, là, mais ça a un nom, c'est, ouais, c'est à peu près ça. Non, mon oncle va s'en souvenir, faites-en pas, là, on a le temps, c'est un peu comme un... Le 11 décembre, on cherche, on cherche. Mais on ne trouve pas. En tout cas, peu importe. Soin. Il y a soin là-dedans. Préposé aux soins. En tout cas, ça ressemble à ça, OK? Elle m'a demandé préposé aux soins. On va dire ça. Comme il y a des préposés aux bénéficiaires, et pas bon. C'était pendant la période où les gens étaient masqués. Nous étions masqués, même si on ne travaillait pas dans un centre de personnes âgées. Et elle m'a demandé d'écrire pour la période des fêtes. On est en décembre, donc on n'est pas loin là, malheureusement, de ce chaos frénétique et heureusement éphémère. Un texte. Et en son nom. Donc, elle a signé Sœur Gagné, mais c'est pas elle qui a écrit le texte, c'est moi. Alors, à chaque moment où il faut écrire quelque chose, on me le demande et ça me flatte constamment, même si ça fait des années que je le fais. J'étais là, j'ai commencé le texte, là, OK? Alors, je m'arrête, puis comptez trois, puis je commence. J'étais là devant la tempête. J'étais là pour mes résidents et résidentes. J'étais là, le sourire masqué, mais le cœur plein d'amour. J'étais là, face à l'incertitude, et je suis resté optimiste et motivé, précisément pour leur offrir une qualité de vie. Aujourd'hui, le lundi 11 décembre 2023, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mes camarades. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Dans ma veste. Paradis perdu. Dandy, un peu maudit, un peu vieilli, dans ce luxe qui s'effondre. Te souviens-tu quand je chantais dans les caves de l'ombre, un peu noyé dans la fumée. Ce rock sophistiqué, toutes les nuits tu restais là. Mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus. Un peu vieilli, mes musiciens sont ridés sur ce clavier qui s'est jauni. J'essaie de me rappeler encore une fois les accords de ce rock sophistiqué qui étonnait même les Anglais. Mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus. La la la la la la la la. Peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paris perdus.

Aujourd'hui, je vous propose l'auteur, compositeur, interprète, le magicien de la musique et de la chanson, mon ami Samuel The Kid Boussana Bismuth, alias Sam. Alors à toi, mon ami! Salut Samuel. Salut. Ça va bien? Ouais, comme je te disais... Ouais, c'est un moment difficile pour toi? Là, je suis en dépression assez profonde. Ok. Depuis un an et demi. Ok. Donc, voilà. Et c'est dû à quoi? Là, c'est... Là, j'ai une maladie qui s'appelle... je sais pas si tu connais les troubles bipolaires. Oui, oui. Bah, j'ai ça. Ok. Et donc là, je suis dans la phase. Ah. Ouais. Mais t'as pas une médication pour te. Si, si. Ok. Mais je résiste aux médicaments. Ah, tu veux pas? Non, c'est pas ça. Je les prends, mais ça fait rien. Ah, ok. Tu passes sur. Ah, ouais. Je suis ce qu'on appelle pharmaco-résistant. Ouais, t'es réfractaire. Ouais, ouais. Eh ben. Donc. Voilà, la maladie, c'est des phases. D'exaltation, ouais. Et des phases de dépression. Ouais. Mais en termes de temps, je passe plus, quand même 80% de temps en dépression. Okay. Et là, ça fait depuis l'été 2021. Est-ce qui n'a pas aidé aussi, c'est la COVID? Moi, ça m'a rien. J'étais très bien pendant le COVID. Ah ouais, ok. Parce que tu étais reclus, tu étais chez toi. Ouais, non, j'ai fait beaucoup de musique. Non, j'étais dans une période up. Créative, ouais. Non, voilà. Là, j'en ai marre parce que ça fait longtemps que ça n'a pas duré aussi longtemps, quoi. Ok. Mais est-ce que la chanson peut t'aider à surmonter un peu ces problèmes-là? Ben, disons que là, bon, là, je fais plus grand chose. Enfin, j'ai fait des concerts récemment, là. Ouais. Qui sont tous super bien passés. Ok. Enfin, je veux dire, une fois que j'étais sur scène, ouais. C'était, je me suis éclaté. Ok. Mais avant, déjà, moi, à la base, j'ai le track, tu vois. Ah ouais, t'es un tracker. J'ai un tracker et. En plus, quand t'es en dépression, tu te dis, mais ouais. Qu'est-ce que je vais aller faire sur une scène et tout. Oh, oui. Mais là, c'est, les concerts sont bien passés. Mais je prévois plus rien pour l'instant. Si on me propose des choses, peut-être que je dirais oui, mais okay. Là, je fais le... Je me mets un peu en sommeil. Ok. Est-ce que... Dans ces moments-là, tu veux écrire ou au contraire, tu tiens à rester tranquille, à te mettre en retrait? Mais j'ai pas. Non, j'écris pas. Parce que, enfin, moi, j'écris plutôt. J'ai plutôt écrit dans des phases d'exaltation, justement. Ouais. Et puis j'écris essentiellement des chansons rigolotes. Oui, ouais, quand t'es pas dans la position du rigolo. Ouais. Là, c'est le Pierrot plus triste que le Pierrot souriant. C'est ça. Est-ce que tu fais de la chanson depuis longtemps? J'ai commencé j'ai écrit ma première chanson en 2014. Et pourquoi? Oui. Oui, mais oui, on perd absolument rien. Et pourquoi? Oui. Parce que figure-toi que je jouais de la guitare. Oui. Et j'avais envie de chanter. Ok. Alors j'ai commencé à travailler deux, trois reprises de chansons que j'adorais. De qui? Plutôt, il y avait une chanson de Peter Van Poole, je ne sais pas si tu connais. Ah, en anglais, ok, oui. Ouais. Une chanson de Tears for Fears. Oui. Et puis... un groupe qui a vraiment cartonné dans les années 90, ouais, 90. Ouais. Aujourd'hui encore, mais il faut être un fidèle fanatique pour les suivre encore, parce qu'ils font plus grand-chose. Oui. Ouais. Mais il existe encore, le groupe existe encore. Ouais. Et puis, parallèlement, ça faisait longtemps que je composais de la musique instrumentale, okay. Mais j'avais jamais écrit de mots, de paroles. Et je me suis dit, un jour j'ai trouvé un petit riff de guitare sur quatre accords, et je me suis dit, allez, je fais une chanson. Et j'ai écrit comme ça ma première chanson, qui est différente des autres puisqu'elle n'est pas du tout, j'avais pas trouvé ma patte en fait. Elle était pas rigolote. Non. Elle était crypto-poétique. Oh, crypto-poétique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que elle est poétique et qu'on n'en comprend pas forcément le sens. Ok, mais... c'est des métaphores. Ou c'est peut-être... c'est une chanson qui mérite d'être réécoutée à plusieurs phases et on va comprendre quelque chose de différent à chaque fois. Il n'y a rien de trop... On peut, mais même moi, je sais pas trop ce qu'elle veut dire. Ok. Mais tu ne veux pas chercher non plus. Non. J'ai une vague idée, mais... elle sonne bien. J'aime bien la chanter. Ok. Mais pourquoi tu as voulu prendre la guitare? C'est parce que tu avais une mélodie, tu avais le goût de dire quelque chose? Ou tu voulais pas chanter les autres, tu voulais plutôt te chanter toi? Je voulais... Euh, Oui, je voulais m'exprimer, moi. Et... Oui, c'est ça. Et puis, je j'avais pas... Enfin, j'avais pas non plus le niveau... Enfin, le... Il n'y avait pas vraiment un intérêt artistique à ce que je reprenne les autres, quoi. Ok. Puisque je... En plus, je visais assez haut. Ah, ben oui, mais il faut toujours viser haut, hein. Ouais, ouais. Pour s'y rendre un peu. Mais est-ce que c'est les mots qui amènent les idées, toi, dans une chanson? Est-ce que c'est grâce aux mots que tu arrives à écrire, ou si c'est les idées qui amènent les mots? C'est très important. Souvent, c'est une phrase. C'est, ok. C'est une phrase. Qui peut être. Qui peut être la phrase, la première phrase de la chanson, ouais. Ou qui peut être le refrain, et de là découle une histoire. Ok. Parce que la plupart de mes chansons, bon, dans mon répertoire, il y a 80% de chansons que je caractérise de. D'humoristique, elle raconte toutes des histoires. Okay. Si on rate un passage, on sait un certain. Ah oui, là, on est perdu dans l'histoire. On est perdu. et donc, la naissance d'une chanson, ouais, c'est souvent la première phrase, mais ça peut être aussi le refrain. Et puis, à partir de ça, je construis. Il y a une histoire qui se construit plus ou moins. Est-ce que ça vient tout seul ou si tu es un besogneur, tu travailles fort pour trouver la chanson, ou si tu prends le crayon, c'est que tu l'as déjà en toi et ça ne sera pas compliqué à restituer sur une feuille? Non, ça a tendance à venir tout seul. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de chansons. OK. T'en as combien? Ouais, j'en ai une vingtaine. OK. Une vingtaine. Ah, c'est pour faire un spectacle? Oui, oui. Elles sont en français? Oui, OK. Ça fait, ouais. Ouais. Et donc, non, il y a une sorte de magie, hein, quand j'ai une phrase comme ça qui arrive. En fait, la chanson, au bout de 3 jours, elle est terminée. Ok. Bon, après, il y a quelques ajustements, ouais. Évidemment. Mais est-ce que le track, une fois que tu as fait ta première chanson ou la deuxième, c'est beaucoup moins pire, ou si c'est là constamment, durant tout le spectacle? Ah non, en général, c'est... En général, heureusement, le track il disparaît dès que je mets le pied sur scène. Après, il y a quand même une tension au début. Ouais. Tension sur les 2-3 premières chansons. Pour pas les oublier, pour pas rien manquer, pour pas se tromper, pour. Parce que je suis un diesel, moi. Ouais, c'est ça. J'ai le temps de me mettre en route. Oui. Et puis après ça. La tension se dissipe et puis le plaisir arrive. Si y a évidemment interaction, ouais, ça dépend du lieu, ça dépend de l'écoute, etc. Oh, etc. Ouais. Mais au début, quand tu as commencé à chanter, est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit « Mais là, j'ai ma place, il faut que je continue, je me sens bien, je me sens heureux. Quand je reviens à la maison, le travail est accompli. » Est-ce qu'il y a cette frénésie-là du créateur une fois que tout est bien, puis qu'on se sent bien, qu'on veut poursuivre. J'avais un projet de chanson traitant de procrastination, mais ne trouvant pas de refrain, je l'ai remis au lendemain. J'avais un projet de pamphlet sur les méfaits d'indécision, j'ai fini par y renoncer après des mois d'hésitation. Depuis le début, j'ai du mal à m'imposer, me montrer ferme. Je suis né sous péridurale, plusieurs semaines après le terme. J'hésite, j'évite, parfois même, je l'évite. Je diffère, je me perds, souvent même, j'exaspère. J'ai croisé la femme de ma vie sur les bancs de l'école du ferry. Un jour j'ai osé lui parler, trop tard elle s'était mariée. J'ai pas réussi à choisir un métier pour mon avenir. J'aime bien la vie de lycéen, aujourd'hui je suis le doyen. J'ai noté sur plusieurs post-it ce que je dois traiter au plus vite. Les post-it sont devenus posters, j'ai encore des efforts à faire. J'hésite, j'évite, parfois même je l'évite. Je diffère, je me perds, souvent même j'exaspère. Mais pourquoi ferais-je aujourd'hui ce que j'ai reporté hier? Comme s'il suffisait d'une nuit pour qu'enfin tout en moi s'éclaire. J'ai consulté un spécialiste, un psychocomportementaliste. Il avait l'air en pleine errance, ça m'a tout de suite mis en confiance. Il s'est montré fort sympathique et m'a exposé sa tactique pour cesser de procrastiner et m'aider à me décider. J'ai trouvé ça intéressant, je vais m'y mettre, mais pas maintenant. Je me sens pris par le sommeil et puis la nuit me porte conseil. Alors moi j'ai un problème de légitimité, c'est-à-dire que je... Ah, comme plusieurs, vous êtes fous, hein? La majorité, vous n'êtes pas certain. Est-ce que ma chanson va plaire à quelqu'un? Il y a tellement de chansons qui existent, ouais. C'est à peu près ça, hein? Ben moi, je me demande si j'ai... À chaque fois, je me demande si j'ai ma place. Tout le monde, hey, la chanteuse avant toi aussi, Osso, elle m'a dit la même chose. Ouais. Elle m'a dit, oh, je sais pas si mes chansonnettes vont plaire, je sais pas si j'ai ma place ici, je sais pas si mes chansons vont intéresser. Il y a tellement de chansons, mais tout le monde a sa place. Voilà. Ouais, la seule chose dont je suis certain, c'est que c'est mes textes. Okay. Mes textes, ils sont bon, pas tous, hein, la plupart du temps, ils sont quand même... Ils sont bien foutus et ils font rigoler, quoi. C'est le retour que j'ai le plus fréquemment, en fait, du public. C'est vraiment, j'ai apprécié vos textes, c'est bien foutu. Mais après, en tant que chanteur, je me trouve, je supporte pas ma voix. En tant que guitariste, je me trouve un peu pitoyable. Ah oui, un coca, s'il vous plaît, merci. Mais en fait, c'est les gens qui t'ont encouragé à poursuivre l'écriture parce que toi, tu n'étais pas si certain que ça. C'est eux qui t'ont encensé en disant bravo, tu peux continuer, j'aime bien ce que tu fais, c'est bien ficelé. Donc, c'est eux qui t'ont comme révélé à toi en disant mais ce que je croyais, ça a bien fonctionné. Donc, on a peut-être raison. Non, ce qui m'a fait écrire, c'est le plaisir d'écrire. Oui, oui. C'est l'envie et le plaisir. Parce que dans le passé, tu sais, à des fêtes de famille, on fait des goguettes, là. Donc, il faut détourner des chansons. Et c'est à chaque fois à moi qu'on demandait. OK. Et moi, j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à faire ça. Puis j'étais plutôt habile, quoi. Et c'est comme ça, ça s'est pas travaillé, c'est arrivé comme ça. Alors t'as fait aucun travail, tu l'as, c'est inné en toi. Merci. Ben disons que non, j'ai pas fait de formation. Bon là depuis après coup je suis l'atelier de Claude Lemel d'écriture. Ah, vous êtes plusieurs, hein? Ouais. Enfin, en ce moment je suis pas très assidu, hein, comme je suis. Mais bah, grâce à cet atelier, j'ai écrit trois chansons qui... Parce que il y a beaucoup de déchets aussi dans ce produit. Hein. Mais j'ai gardé quand même trois chansons. Mais sinon, je suis autodidacte. Je suis autodidacte. J'ai écouté Brassens. Ah, à l'école. J'ai écouté Brassens et j'étais... Donc, je suis pas du tout un spécialiste de chansons françaises, mais j'écoutais Brassens et j'étais fan de Pierre Desproges. Oh! L'humoriste! Ouais. Que Guy Bedos a dévoilé à tout le monde. C'est Guy Bedos qui l'a propulsé. En lui disant, sors de ta cour puis viens monter sur scène. Vas-y, un coup de pied dans le cul et il est monté sur scène grâce à Guy Bedos. Ouais, d'accord. Ouais. Et donc, c'est ces deux-là, mais en même temps, un est chanteur, l'autre est humoriste. Mais dans les, c'est vrai que Brassens a beaucoup de chansons rigolotes. Oui, oui. Il y a le... J'aime bien l'ironie de Brassens et le cynisme de des proches. Oui. Ouais. J'essaie de faire à ma mesure un mix des deux. Quoique Garou Goril, c'est aussi c'est un peu comme des proches, c'est très vis de rentre dedans. C'est... Oui, oui. Sur des petites, une petite mélopée, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Oui. C'est toujours ça. Mais à travers ce pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, on t'en envoie de la purée. Oui, oui. Et c'est ça qui est formidable. La chanson, la mélodie semble tout banale, toute rigolote, mais les textes sont ravageurs et c'est ça qui te plaît. Oui, ouais, c'est ce qui me plaît, oui. Ouais, j'aime bien, Franck. Ouais, dernièrement, j'ai dû faire. J'ai fait un concert important, j'ai fait. J'ai fait la première partie des Têtes Raides. Oh, quel groupe, hein? Ils existent depuis 30 ans à peu près. Ouais, ouais, c'est fou. Hein, c'est... Ah, c'est. Et c'est mais quelle fougue, hein? Pardon? Quelle fougue. Ils ont une fougue incroyable, ouais, ouais, ouais. Les Têtes Raides. Puis je trouve que le chanteur ressemble à Brel, hein? Oui, oui, tout à fait, oui. Il est très brélien, oui. Ouais, ouais. Et ce que je voulais dire par là, bon, leur concert était magnifique. Ben oui. Et moi, je me suis fait coacher pendant plusieurs semaines pour travailler l'interprétation de mes chansons. Ok. Par qui? À la Manufacture Chansons. Ok, oui. Par Tristan Aspalin. Ok, oui. Et pour justement envoyer des minuscules comme ça avec le sourire. Ah, ouais, ouais. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. En balançant un peu, en ayant l'air un peu anodin. C'est ça. Oui. Et ça, c'est ce qui te plaît, c'est de voir la réaction du public vis-à-vis de tes chansons. Ah, moi j'adore. Moi, quand ça rit, je suis aux anges. C'est gagnant pour toi. Oui, oui. Et c'est là que tu te dis, mais je suis pas là pour rien. Ma petite personne fait plaisir. Hein, mais c'est ça aussi, là, quand tu montes sur scène. C'est de faire oublier aux gens leur tracas, leurs problèmes. Même si toi, t'en as plein, tu veux pas que ça paraisse. Donc, tu te rends compte que même toi, ça t'aide dans ton parcours. Oui, bien sûr, oui. Oui, et puis l'échange qu'il peut y avoir après avec le public, j'adore ça. Quoi. Mais c'est ça, parce que t'as la chance d'être... Un chanteur, tu peux, et non pas comme Sardou, une fois que son spectacle est fini, on va dans la loge, on va prendre 3-4 scotch, puis ouais, il retourne ouais. À la maison, toi t'es avec le public, tu lui as donné, eux autres aussi, à leur tour, ils t'en redonnent. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est une interrelation intense. Ouais. Ouais, moi c'est vraiment, c'est l'échange, j'aime bien les petites salles. Il y a de la proximité. Ouais. Et puis surtout, ensuite, après le concert, aller me balader parmi les gens. Quoi. Et puis te faire arrêter, dire « Hey, je t'ai vu sur scène, c'était extraordinaire ta chanson. » Là, puis, là, ah bah ça, c'est le pied. Là. Ouais. C'est le pied total. Là. Est-ce que tu fais beaucoup de spectacles, ben, normalement, là, par année, si on oublie le temps mort actuellement? Là. Es-tu intermittent du spectacle? Alors je suis intermittent du spectacle, mais pas en tant qu'artiste, en tant qu'ingénieur du son. En post-production. Ah, c'est bien ça, parce que t'as. Alors, en étant. Parce que ça, c'est ton travail premier, ingénieur du son. Oui, mais j'ai arrêté. OK, à cause de ton problème. De mes problèmes, oui. Ouais. Mais. Tu peux recommencer aussi, là, tu peux reprendre. Ben écoute, on verra. Ouais. OK. Parce que là, ça te plaît moins? Ben, ce boulot, je l'ai fait 20 ans. J'ai fait 20 ans, j'ai beaucoup travaillé sur des dessins animés. Bon, là, je suis lassé. Mais est-ce que tu travaillais avec des équipes professionnelles ou des chanteurs de la relève? Ingénieurs du son? Qu'est-ce que tu appelles les chanteurs de la relève? Ben, comme... Kate Lewis, je sais pas si tu connais, qui donc? Pauline Paris, est-ce que tu la connais? Non. Mais toi, fais-tu partie de la relève? Est-ce que tu te considères comme un chanteur de la relève? Mais je connais pas l'expression. Ah non, mais un chanteur qui qui commence à prendre sa place, un chanteur de la relève. Ah, mais, au Québec, on dit le chanteur de la relève, hein, désolé. On dit émergent chez nous. Ah, émergent, ouais, ok, émergent. Alors, est-ce que tu te considères, toi, comme un artiste émergent? Oui. Et donc, en faisais-tu beaucoup quand tu étais au son? Ou si tu travaillais avec des professionnels comme, je sais pas, Sardou? Non, mais en fait, quand j'étais ingénieur du son, c'était pas dans le domaine de la musique. Ok. C'était dans le, comme je te disais, dans la post-prod, c'était le son lié à l'image. Donc moi, je travaillais... Ah, oh, ok, rien à voir, ok. Ouais. J'enregistrais des comédiens qui faisaient des... Ah, je comprends, ok. Des dessins animés. Ah oui, des doublages, puis tout doublages, ça. Ouais. C'est pas mal, ça. Genre, et puis, qu'est-ce qui t'a amené à ça au début? C'est ta formation ou... Non. Parce que je... Non, je suis... En fait, je voulais faire ça. Enfin, je voulais faire du son. J'étais intéressé par le son et la musique dès l'adolescence. C'est bon. Et je voulais faire du son. Et puis, mais bon, mes parents, ils étaient un peu classiques, quoi. Et donc... Fini ton bac, c'est ça, hein? C'était... C'était plutôt, tu seras ingénieur, mon fils, mais pas ingénieur du son. Ah oui, ok, oui, ingénieur aussi. Oui. Parce que le côté artistique, ça fait frimer. Hein? Ouais. Ah, les parents ont peur, mon enfant n'arrivera pas à rejoindre les deux bouts, il se met dans la merde, il ne sait pas encore, le métier est difficile. Ouais, c'est ça. Ils font tout pour finir ton bac, et puis on verra après. Hein? Ben, c'est ça. Moi, en fait, donc, j'étais bon élève, j'étais bon en maths, en physique. Donc, hop, j'ai fait une école d'ingénieur en génie énergétique. Et j'en avais rien à foutre. Ouais, et après, je suis sorti de là, je me suis dit, au secours, qu'est-ce que je fais? Et j'avais un copain à l'époque qui avait fait une formation d'ingénieur du son. Et donc je l'ai accompagné un peu dans ses premiers boulots, okay. Pour voir comment il travaillait. Oh, oui. Je me suis documenté. Un enfant de la balle. Je veux dire, tu examinais ce que lui avait à t'apporter. Il était presque un professeur sans le savoir. C'est ça, ouais. Je suis persuadé d'avoir toujours raison. Je suis le seul à le penser. C'est con. Sur le grand altimètre de la certitude, je culmine aux plus hautes altitudes. Ma femme m'accusait de rigidité, du moins avant qu'elle ne décide de s'en aller. J'affirme que son départ est une absurdité, j'avais encore tant de choses à lui inculquer. Je suis le prophète, je distille la vérité. Seul dans la tempête de mes convictions, je ne démords jamais. À mes parents, je tenais tête, faisant fi de leur âge. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas perçu l'héritage. Mes enfants me décrivent comme un père obtus. Je veux en débattre, mais bizarrement, je ne les vois plus. J'ai un petit perroquet qui me tient compagnie. Il m'est fidèle et jamais ne me contredit. Je suis le prophète, je distille la vérité. Seul dans la tempête de mes convictions, je ne démords jamais. Le matin me rasant, il m'arrive de penser à tous les sauts auxquels je me suis opposé. Et tout à coup, ça y est, j'ai une révélation. J'ai peut-être eu tort de leur montrer que j'avais raison. Je suis le prophète, je distille la vérité. jamais. C'est lui, le prophète. Le doute à jamais. Et puis j'ai trouvé un petit stage dans un studio de son. Et puis ils m'ont embauché comme assistant ingénieur du son. Et puis après j'ai commencé moi-même à faire des sessions d'ingénieur du son. Ok. Et puis après ça s'est enchaîné. J'ai quitté cette boîte et je suis devenu intermittent. J'ai bossé un peu à droite à gauche. Mais en faisant ça, tu avais déjà le pied dans l'audio, hein? Donc ça t'a intéressé dans tes chansons à travailler ça aussi, le côté audio, le côté sonore, parce que tu avais déjà une formation, donc tu savais comment tes chansons devaient sonner. Ben, ça m'a permis de faire pas mal de maquettes, en fait. Oui. Et puis de les arranger avec des instruments virtuels, enfin tu sais. Oui. Bon après j'ai passé des nuits, des jours, des mois à faire ça. Bon j'en suis un peu revenu parce que je considère que maintenant soit je fais une belle version guitare voix, soit ouais. Je vais enregistrer avec des musiciens. Quoi. Oui. Mais as-tu déjà un disque? As-tu déjà fait? Oui, alors j'ai enregistré un premier album. À quelle année? j'ose à peine le dire. Ah oui, bon. J'ai commencé. On a commencé le 1er juillet 2000. Oh, ok. Et. On l'a terminé à l'automne 2022, en septembre. Et je ne l'ai toujours pas sorti. Ok, alors ça fait 22 ans, mais il est encore là. Il n'y a pas 22 ans. 2000. Ah, ok. Je pensais 2020 à 2022. Oui. Ok. Alors, ça fait 2 ans. Mais il faut dire aussi qu'il y a eu aussi un problème, la pandémie, qui a freiné tout le monde. Oui, enfin, c'est plutôt ma forme qui a... Ok. Mais aussi, la pandémie n'a pas aidé. Oui. Parce que ça fait... On était confinés, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Ouais. Mais éventuellement, tu veux finir au moins cet album-là. Ben là, il est fini. Il n'attend plus que. Il est. J'ai les titres chez moi. Ok. Oui, mais la pochette, as-tu la pochette? As-tu toutes les. J'ai un pote graphiste que je dois harceler pour qu'il finisse le visuel. Ouais. Et puis, il faut que je me bouge un peu. Faire de la promo, il faudrait que je trouve aussi un financement pour un clip. Ouais. Quoi qu'aujourd'hui, les clips, tu peux les faire sans budget, hein? Avec un cellulaire et une toile verte et puis un bon magouilleur d'images. Ouais. Est-ce que tu connais Fergus? Non. Non? C'est Stéphane Doré de son vrai nom. Lui, il a commencé à faire des vidéos avec un cellulaire et puis il fait des vidéos à partir de rien, ça veut dire 0$. Ouais. Puis il fait ça en une nuit. Mais c'est beaucoup de travail, c'est peut-être 8-9 heures, mais en une nuit, il fait une vidéo. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Et tu sais, les vidéos, c'est pas obligé d'avoir un budget. Si on fait une vidéo, c'est parce que ça coûte pas cher, souvent. Mais ça dépend ce que tu veux donner aussi à ton vidéo. Si tu veux faire jouer Isabelle Adjani, ben là, on parle d'autre chose. Là. Non, c'est pas prévu. Non, c'est pas prévu, ok. Elle est pas libre. Elle a autre chose cette journée-là. C'est ça. Il avait la gâchette facile, le verbe acerbe, l'allure mutine. Il s'était érigé en monarque du crime. Dans les bars du vieux port, on s'en souvient encore. Il était vraiment pas bien né, fils de l'ennui et du vin bon marché. Il aurait pu prétendre à plus de bienveillance. Dès la plus tendre enfance, Il rêvait de revanche. Un beau jour tout a basculé. Elle lui a dit, mon vieux, je me casse. Elle aurait pu choisir un jour approprié. On quitte pas un caïd la veille d'un gros casse. Son sang une seule fois a tourné. Au nez la moutarde est montée. Comment ne pas punir pareille trahison. On traite pas un caïd comme le dernier des cons. Des cuisses de catcheur, une pierre en lieu et place du cœur. On l'a revu un peu plus tard, après quelques heures de mitard. Il s'était fait la belle au nez de son maton. On ne tient pas longtemps un caïd en prison. Il est revenu aux affaires. Arnaque, hold-up et vieille combine. Mais ses activités ne semblaient plus lui plaire. On voit des gros caïds souffrir de la routine. Plus tu écris, plus c'est facile à écrire. Plus tu trouves une facilité à écrire, ou si ça, avec les années, rien ne change. Non, j'aurais peut-être tendance à dire le contraire, c'est-à-dire que le piège, c'est s'auto-plagier. Quoi. Ouais. Donc, plus tu fais des chansons, plus tu peux faire la même chanson. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Donc. Changer, c'est pas, évoluer, c'est pas évident. C'est non. Pas évident. Bon. Non. Est-ce que ça prend des événements pour prendre le crayon, ou si c'est ton imaginaire qui crée la chanson? Est-ce que c'est ce qui t'entoure, ou c'est ce qui te fait rêver? Est-ce que ça vient de toi ou ça vient des autres, l'écriture? Tu regardes les infos, oh oui, ok, bon, ça c'est bon, je vais piger là-dedans. Ou si c'est tous tes rêves intérieurs, toute la vision que tu as de toi-même ou de la vie à l'intérieur de toi qui fait que tu crées. les deux cas sont vrais, mais la plupart du temps, c'est vraiment ça part intérieur. De toi. Toi, c'est comme je te dis, une phrase qui monte, qui remonte de l'intérieur comme ça, alors que j'ai rien demandé. C'est un cadeau, ça, quand ça t'arrive. Ah oui, ça, c'est miraculeux, c'est miraculeux. Ouais. C'est... Et tu dis genre à prendre une note puis à remettre ça à plus tard, ou tu prends la note et puis tu poursuis le travail, dépendant de ce que tu fais aussi. Là, si tu es pressé, tu dois partir pour un rendez-vous, mais tu as une phrase qui vient d'arriver, tu prends ça en note, après ça, tu y retournes. Ah, je note parce que ça peut partir. 10 minutes après, elle a disparu, ouais. C'est vrai. Et donc si je suis chez moi, il n'y a pas de problème. Sinon, si je suis dans la rue, c'est sur le téléphone. Ou alors je rends notre oral, quoi. Ouais. Et puis j'ai remarqué aussi que. Beaucoup de gens le disent aussi d'ailleurs, qu'en marchant, oui, c'est vrai. L'inspiration vient beaucoup plus vite. Oui, parce que tu regardes partout, puis t'es pas concentré, donc. Toute l'inspiration peut arriver, tu vois des gens passer, tu entends une phrase qui passe comme ça à côté de toi, oh, ça c'est pas mal comme expression. Ouais. Et là tu veux l'utiliser. Il y a le mouvement physique aussi. Oui. Ouais. Je sais que je peux être. Je me souviens que à l'époque je bossais dans le 17e et j'écrivais des chansons sur le chemin, dans le métro. Ouais. Et toi, dans le métro, je mettais un peu au propre. Je bloquais, je sortais du métro, je marchais et hop, ça se débloquait. Ah ben c'est pas mal. Ouais. Ah ouais, tu pouvais fermer puis réouvrir après. C'est comme ça. Ça se contrôle pas, on l'a ou on l'a pas. Hein. Est-ce que tu sens que tes chansons évoluent ou si c'est le même style mais avec des réflexions différentes? Est-ce que ton écriture évolue ou si ça a toujours été comme ça? Je dirais qu'elle devient plus quotidienne, en fait. Okay. Plus quotidienne. Et peut-être un peu plus incisive. Ah oui. Ouais, et surtout plus quotidienne, plus peut-être plus simple. Ah ouais, tu t'en vas plus vers la simplicité, moins dans les fleuritures poétiques. Ouais, mais je crois que je connais pas très très bien Renaud, je connais que c'est tube, mais je pense que j'ai un peu d'écriture à la Renaud. Du quotidien. Comme ça. Ok, ah ouais, c'est bien. Puis tu as aussi ton style personnel, parce que Renaud aussi a sa poésie. Il a même créé une sorte de poésie à Renaud qui n'existait pas avant. L'écriture urbaine, qui lui est propre. Puis aussi, un son, tu as juste entendu. Tu sais que c'est lui. Tu sais, t'as pas rien acheté, tu sais. Ok, c'est Renaud. Imite-moi Renaud. Ta-da-da! C'est Renaud. Mm. Il y a comme une signature. Ouais, ouais, ouais. Et toi, ce que tu cherches, cette signature-là, cette rapidité-là intellectuelle à dire ok, les gens vont dire c'est moi. Il y en a pas deux, c'est moi. Ah, je. J'aimerais bien. J'aimerais bien. C'est un rêve. Non, mais je réfléchis au. La dernière chanson que j'ai écrite. Il y a de l'absurde. J'aime bien l'absurde aussi. Mais ça tombe bien, mon émission, ma première heure, c'est de l'absurde. C'est de l'improvisation sur l'absurde. Ah, c'est parfait. Ouais, ben oui, c'est parfait. On part de rien, puis on peut s'en aller dans n'importe quelle sphère. On n'a rien de préparé. On ferme le micro. OK, on a fait ça. C'est merveilleux. Je pensais que j'étais un peu plus capable de le faire. On recommence, puis c'est ça. Mais l'absurde, c'est que ça tient à un fil. Tout peut tomber. Ionesco, c'est ça. Puis Beckett, c'est ça aussi. C'est vraiment l'absurde. Et ça te plaît. Ah, ça me plaît aussi. Surtout si c'est bien fait, enfin si ça fait rire. Ouais. C'est bingo. Hein. Est-ce que tu parles beaucoup dans tes spectacles ou tu te concentres plutôt sur tes chansons? Non, j'aime bien. Est-ce que je me rends compte que. J'aime bien présenter mes chansons. Mm-hmm. Après, je suis pas un orateur génial, mais. Je prépare ce que je dis. Ah, il n'y a pas d'improvisation, ok. Parfois, il peut y en avoir un tout petit peu, mais. Mais si peu. ponctuellement, quoi. Ouais. Dépendant aussi de la réaction de la foule. S'il arrive quelque chose dans la foule, bang, tu vas le prendre pour le mettre au service du spectacle. Ça m'est jamais arrivé. Non, ok. Tu sais, que la bonne femme qui tousse tout le temps, là, ou le bonhomme, ou le cellulaire qui sonne. On vous l'a pas dit, fermez vos cellulaires. On nous avertit avant, hein. Ça, je comprends pas pourquoi les gens restent. Ou ceux qui restent toujours greffés au cellulaire. Il y a un spectacle, mais ils sont sur le cellulaire. Il y a des théâtres au Québec où on a placé. C'est une boîte noire qui coupe les signaux. Ah oui. Plus de problème. Le spectacle commence, pouf, plus de signal. Tout le monde est là. C'est de reprendre le. J'ai écrit une chanson comme ça qui s'appelle Homo Smartphonicus. Ok, oui. Sur les gens qui ont les téléphones greffés. C'est malade, à la main. À la main. Bientôt, les enfants auront leur cellulaire greffé à la main. Intelligent, ça va faire partie de la main. Alors, si l'enfant est pas réussi, c'est parce qu'il n'y a pas de cellulaire dans la main. Mais c'est fou, hein? Comment ça peut nous ronger? Comment on nous a obligés à avoir ça? Moi, mon téléphone n'est pas intelligent. C'est juste un cellulaire, ce flip-flop. Donc, j'ai pas Facebook, j'ai rien. Facebook, c'est dans. Moi, j'ai une auberge de jeunesse ici, là, à 2 minutes. Ouais. Alors, si je veux voir des messages, je m'en vais voir là, parce que ça me dit rien. Je peux juste avoir des textos, un point c'est tout, puis le téléphone. D'accord, ouais. Ben, c'est mieux comme ça. Sinon, tu es toujours là. Voilà. Ouais, ben, j'ai enlevé Facebook et Instagram de mon iPhone. OK. Pourquoi? Parce que ça me déprime. Ok. Ah ouais. Mais c'est prouvé que c'est déprimant de toute façon. Ok. De voir que des gens qui sont super bien, qui tout réussit, et toi t'es là sur ton canapé. Ouais. Mais oui, moi c'est terrible ce rapport au téléphone. Moi très souvent j'ai envie de le jeter contre le mur. Je me dis, bon, je vais quand même payer. Oui, c'est ça, je suis obligé de m'en racheter un autre après. Là. Alors, il faut se contrôler. Ouais. Est-ce que tu envisages de reprendre du boulot ou tu veux encore vraiment te reposer pour te préparer puis de ressortir en force? Un peu comme Renaud le faisait avant. Renaud, on était longtemps sans l'entendre, puis c'est à force de lui demander qu'il a repris le crayon. Peut-être pas le crayon parce qu'on lui écrit des chansons, aujourd'hui il n'est plus capable d'écrire, ouais. Mais qui monte encore sur scène. Ben moi j'ai. Déjà j'ai pas besoin de repos. Ouais. Parce que. Pour quelqu'un qui est en dépression, le repos c'est une fausse bonne idée en fait. Enfin, un faux pansement. Ouais, c'est ça. Je dors déjà 8 heures par nuit. Et en fait, C'est assez. Ouais. C'est une fausse envie de repos, mais qui est un piège, en fait, parce que ça fatigue encore plus. Oui, c'est vrai. Donc, pour la suite de ta question, c'était quoi? Non, mais est-ce que tu as le goût, éventuellement, de reprendre, de vouloir te relancer, de te placer sur la scène? Oui. Après, si je m'imagine sur une scène, là, c'est avec plaisir. Bon, le problème, c'est toutes les démarches qu'il faut faire pour y arriver. Mais non, je ne désespère pas. J'ai un concert le 9 juin, c'est pas demain, mais c'est non. Déjà ça. Non, ouais, mais oui, ça. Non, mais c'est où? Alors, c'est dans au Connétable. Ok. Ah oui, c'est une petite salle. Une petite salle. Ah oui, c'est bien, oui. C'est très bien parce que les gens viennent écouter. Oui, c'est rare, hein? Oui. C'est vrai. Et c'est bien pour ça. Monsieur, je vous écris ce message, les mains moites. L'affaire est délicate, vous saurez, je l'espère, vous montrer bienveillant. Vous me voyez épris d'un être qui vous est proche. Certains me le reprochent, heureux qui sait faire fi de la sentence des gens. J'ai rencontré la douce un matin de septembre. Le souvenir est tendre, je l'ai vu égaré qui cherchait son chemin. Bon prince, j'ai couru au secours de la dame. Lui ai ouvert mon âme et transi lui ai dit: votre chemin est le mien. Monsieur, je vous demande la main de votre femme. Nul doute à son allure qu'elle est un bon parti. De cette étrange requête ne faites pas un drame. Je serai, je le jure, un bien meilleur mari. Tous deux pratiquons l'adultère. C'est un statut précaire qui, je vous le confirme, offre peu de répit. Le buisson dégarni en triste maison de passe, ce bel amour se cache. Lui qui ne demande qu'un grandir aux yeux d'autrui. Monsieur, je vous demande la main de votre femme. Nul doute à son allure qu'elle est un bon parti. De cette étrange requête ne faites pas un drame. Je serai, je le jure, un bien meilleur mari. Sans doute éprouvez-vous une once de défiance, un brin de réticence, mais je vous en conjure, changez de point de vue. À cet obscur non-dit, préférez un amour qu'on célèbre au grand jour. Convenez qu'il vaut mieux être divorcé que cocu. Monsieur, je vous demande la main de votre femme. Nul doute à son allure qu'elle est un bon parti. De cette étrange requête ne faites pas un drame. Je serai, je le jure, un bien meilleur mari. Monsieur, je vous demande la main de votre femme. Nul doute à son allure qu'elle est un bon parti. De cette étrange requête ne faites pas un drame. Je serai, je le jure, un bien meilleur mari. Monsieur, je vous demande la main de votre femme. Nul doute à son allure qu'elle est un bon parti. De cette étrange requête ne faites pas un drame. Je serai, je le jure, un bien meilleur mari. Monsieur, je vous demande la main de votre femme. Si le cœur vous en dit, vous serez mon témoin. De cette étrange requête ne faites pas un drame. Car de tous mes enfants, je vous ferai parrain. Dans ce jardin, soir, j'ai l'humeur vagabonde. Je sens l'univers et ses ondes. L'horizon se dévoile enfin. Braver la routine mortifère, sentir l'ailleurs et ses yeux fous. Je croise le fer avec la terre. J'ai tout semé dans ce jardin et tout me revient. Les souvenirs enfouis en vain. Le corps et l'âme soudain s'en mêlent. Si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.